17-28, observation. Comment c'était autrefois? Imparfait du verbe être. Comparer. Faire. Présent. Nous faisons. Imparfait. Nous faisions. Présent. Vous faites. Imparfait. Vous faisiez. Il faisait. Il faisait. Tu faisais. Je faisais. Être. Présent. Nous sommes. Vous êtes. Imparfait. Nous étions. Vous étiez. Ils étaient. Il était. Tu étais. J'étais. Les terminaisons de l'imparfait du verbe être sont les mêmes que pour tous les autres verbes, mais l'imparfait du verbe être n'est pas formé sur le radical de la première personne du pluriel du présent. Il est formé sur le radical de la deuxième personne du pluriel du présent. Pour les esprits curieux et exigeants, notez le changement de voyelle. Au présent, la première syllabe est fermée. Est. La voyelle est ouverte. Elle est représentée par E avec l'accent circonflexe. À l'imparfait, la première syllabe est ouverte. Et qui est. Alors la voyelle est fermée. Elle est représentée par E, accent aigu.